sourires sont rares, mutation de la nouvelle ère. Comme c'est l'animal de laboratoire, on finira par manquer d'air. Faut qu'on se dépêche de s'en avoir, vont tomber dans les pommes d'acide. Si on va germer les graines d'espoir, ça finira par porter ses fruits. Et cette air fraise et ses trompeurs qu'on se colombe pour s'oxygéner n'est qu'une artificielle vapeur qu'on a bricolé sans se gêner. Faut qu'on se dépêche de se fondre la voix. Je restais pas mi-fine, mi-raisin, car le manque d'air donne pas faim. Pas rester mou comme un chewing-gum au lit où t'es séché de l'intérieur. La fraîcheur de vivre comme sérum, je m'achète non plus finir les saveurs. Pour faire des bordels bol d'air.